بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا حبيبنا وشفيعنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد جنا بن سنت يالله جولي تي عليه الصلاه والسلام ني ييغل ان شاء الله تعالى فيغا خامتنا موم لا نيمون تي سونو جوتا بي ويسو تي الكنوز العشره بو سماحه الامام بركه الانام الشيخ الاسلام سيدي صلاح الدين التجاني عليه رضوان رباني bimi wax ci borom subhanahu wa ta'ala yemi bimu yeme ci ni muy defare xol manam ni mu tabaxe xol minde fi ba nga xamantene amna yenn ci arif billah nga xamantene sen xol daf ko tabax ci modelu yenn ci yaronti alayhi salatu wassalam wala de telle sorte que manam nga xamantene ñooñu budul won ne yerant dootul amati ñom buñ ñëwé dañuy nekk comme yerant yoy non parce que dañ leen doon seen xam xam doon seen xal hein doon seen ay maqam lenn da la doonul ci mom moy nu buwo gi ak risala gi parce que yalla dafa tabaxé seen xol comme ni mu tab defa exactement xol ñeneen yerant yoy hmm alayhi salatu wassalam té loolu lolu janora la gu reuy reuy lolu janora la gu reuy motax kep ku bok ci ñoy c'est parce que vraiment ku maga la bon ñoñu nak am na ñenn ño xamanteni waxon nañu ngeen da naka ci juroomi jotaay yi wessu ci ñoñu lañ do wax am na ñi nga xamanteni ñoo do jéggi day encore ño xamanteni insister nañ ci ñoñu di wax ne Hmm? Pardon. 84. Bon, 85. Voilà. Légui. Kon mouné kon fi muy waxé nan né saxna ci né yénnitibi sallallahu alayhi wasallam waxna né innal ulama hum warathatul anbiya'i lam yarithu dinaran wala dirhaman wa innama warithul 'ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Yerantibi sallalahu alayhi wasallam ne borom xam xam yi de ñom ñoy doona yerantibi ya rahmu sallatu wassalam ndax yerantibi ñom bayyi wuñu fi donc kel doonu len ku donc ñi len di doona tamit doonu diina doonu ñu dirham manam lepp ñu xexu alal lool lañ doon liñu doon rek mom moy xam xam motax kepp ku ko japp te ceur bu reey motax me yent yalla zakaria alayhi salatu wassalam bim nan ya rabbi ya qala rabbi inni wa hana al'azmu minni wasta'ala ra'su shayba wa lam akul du'a wa lam akul du'a'ika rabbi shaqiya wa lam akul du'a'ika rabbi shaqiya lam mo ci tegu wa inni khiftu al mawaliya min wara'i hein ah après wa kanat imra'ati aqira fa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya voilà yentiyalla zakaria alayhi salatu wassalam mune ko borom bi dafa ko doon ñaan mu ne mom yalla nga wutal ma manam ci jeexitalu wax di manam ke ni mom dafa nekkon ko xamantene mu ne musu lo mom mus luma la musa ñaan yalla may nga bako wa kon nak te man instant bi ni sama yah yi commencé nañu noy degeeratu ñu et puis sama manam moy magatna c'est sama soxna dafa jassir Voilà. Jassir, c'est stérile. Voilà. Stérile. Voilà, il faut être stérile. Donc, si Dieu m'a dit, si tu sais, il m'a donné, je m'a donné, ko xamne yaris parce que ñi ñek sama ginnaw yeb dama en fait dama ragal ne ñom duñ mëna téy sama héritage bi donc jox ma ko xamantene mom dina ma mëna don wa yarisu min al yaqub te dana don ci wa kriyati ala yaqub alayhi salatu ci lañ ko joxe sayyidina yahya alayhi salatu wassalam mais don gogou du won bu fi joge amna alal du fi baye don ko ko xam xam bi la ak li ci manam ak li muy andal comme ni nga xamne non la ko yenenbi sallalahu alayhi wasallam waxe ne yenenbi kenn bu len don alal ñom lepp lu fi baye comme nim ko waxe ci benen hadith bi wa ma taraknahu sadaqa lepp lu fi baye sarax la lepp lu fi baye rek day dem trésor public wa njabot bi mom amut ci dara 15 biñ ko ci laal luñ fi ba keur yo tola lepp ci yam trésor public la dem ñom dal motax ñom amuñu ci ngay comprendre né ñom amuñu ay doomu dér ñom amuñu lool la xamul lu ñoo ku leen ku doon seen seni manam liñ fi nekké won non la awliya yu mel tamit wali yu makki tam non la mel motax ñu bëré bëri comprendre buñ ba tay notion bobu non ñom pour ñom il faut nga nekk doomi diw manam bo nekké doomi diw dal yow ya diw yam wala ya diw li ngeen def parce que doomam nga parce que ay nawle ngeen parce que en fait ñom question bobu lañ xol dañuy gis né nit dal ku mu jur ko fa nawlem la ce qui veut dire que ni nek entene yow yaay doomi diw rek ce qui veut dire que nawlem la affaire bi lan demewul non affaire bi demewul non parce que ñom li ñuy donante ay compétences la ay compétences spirituelles yu élevé la yu kawé du yo xamné yu touti la yu gatt yu reuy la donc du lo xamné simple ne waji dérèk diw la rek day tax nga am ci dara wal lolu tekki nga am dinga man ci am dara maintenant nak amna nak lo xamantene dina ci am moy lum lay yombal manam dina meun la yombalal yoon bi voilà lolou meun la yombalal yoon bi mais bu difu dara ma voilà c'est à dire que du ko xaliss bi nga xamantene bu sa papa nekké milliardaire bu génné aduna gëjël milliard yi yobbu nga xamni dang koy téyé matériel la rek bu ñu téyé wala ki la ay contre do melul comme lool de bu nekké milliardaire wulé nga jël milliard lool mom simple na té lool nit ñi xam nañ ni muy def mais bu dé wilaya la ak xam xam bir mi demul nonu d'ailleurs même ci affaireu aduna sax même ci affaireu aduna ji donc affaire bi lu démé non ku am papa bo xamantene par exemple médecin la wala mathématicien la wala mu nek économiste wala mu nek avocat c'est pas parce que papa me fait rien ben ñu ko solo blouse mu dem commencer plaider après bu non voilà fi mom da ngay ñew rek chomine maintenant nak le fait que sans avocat bi manam sans mu di plaider ak yoy nek yow parce que sa papa doko ta ma doko ki lolou meun na nak mais pour nga meun nek avocat mom non vraiment dafa am chemin dafa am yoon boy jaar bo xamne boko jaarul mom c'est bo ñu téla classer ce dossier parce que xamne yow mënu ko nekk non la tamit mbir yépp non la démé maam surtout ci walu wilaya tam non la démé voilà lool mom motax ñuy wax né képp ko xamantene da ngay bëgg di sukkandiko ci askan pour bëgg japp né juste par askan yow ya wara yilif nit ñi nekk kilifa nit ñi c'est parce que koku dafa dof lool mom motax ñukoy wax mais parce que vraiment majnun la quoi koku dafa am jinné bu ko dugg parce que sinon du war mën xalaté non bon maintenant nak amna tamit lool mom motax ko xamantene par exemple dafa nek ci lool do ñuy judd mu yar leen ci lool ñu nek ci lool ñu maggé ci lool am nañ chance bu reureure pour melni mom aussi pour melni mom voilà mais du simple héritage ni ci nonu parce que yalla mo doxale nonu biir mom mo bëgg lepp lu aju ci mom kenn duko don par deret lepp lu aju ci mom dañ koy don par spiritualité lolu yalla moko bëgge non mo tax kepp ku japp ci cieur bob nak japp nga ci cieur bu reure légui lolu lay wax né mune kon nak dañuy don seen xaaliss seen xam xam ak seen maqam mune mbir mi yamul fof mune laysa hadha faqat mbir mi kat du lola kasse bal ni fi nek wara da rot na anu tukke ci mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam anne jaala dafa def darajatom sen daraja misla muy kem darajatal anbiya yi daraja yenenbi fi ma ada ci lu bokut ak daraja tay risala ñaari daraja ya ñom ñoy risala on nubu ak nubu risala muy bataxal le fait que ñu yoni la ne la demal nubu gi moy le fait que nga am message bo xamantene manam prophecy bi nga recevoir ko hay ko xala fa xamantene waxna mom yentou bi sallalahu alayhi wasallam ne lan taxlu du man du meusa denj am al ard ci souf ci min 40 ci ñeen fukki radio dal ay goor mislu ko xamantene kenon day nek khalil rahman kharitu bur yalla bi aji fess de leer mu man amul amna du denj am 40 personnes yo xamantene ci kaw souf ñom comme sayyidna ibrahim lañ wax alayhi assalam manam bo xole mislu moto da ko souligné manam mislu khalilur rahman parce que al mislu moy kem moy identique voilà identique voilà pour ñu né ñaari mbir yi dañu identique yamul ci ñu nek yu semblable kessé xam nga moy shubhu moy semblable mislu moy identique amna différence manam di dañu ay kem lañ ak dañu nuru semblable moy nuru moy shubhu kem moy misle mom moy identique voilà meun na né modou ak ibrade dañu nuro mais ñaar ni dañu nuro manam lool meun na ko wax voilà mais mënuma wax né mais buma xëss buma wax ci kem dama nan ñaar yi ño tollo ben rek moy comme lan comme buma né voilà buma ne ñaar verre yi ni voilà yi daño ay kem lañ daño identique ñaar yi daño identique mais yi daño nuro kessé lan lañ bok le fait que ñu ci def ndox wala ñu mën ci def liquide lool lañ bok mais identique voilà daño semblable voilà alors que yi dañ identique voilà lool mom moy différence bi donc le fait que mu wax né le fait que mu wax ne kon ñom non lañ mel c'est à dire que dañoy ay kem lañ manam ay nit ño xamantene 40 personnes yo xamne sen xol yalla da koy tabax ba melni xolum Ibrahim alayhi salatu wassalam dëng mune fabihim te ci ñom tous xawna mom la ñoo ñoo 40 personnes yo ñan lañ voilà abdali voilà comme ñu gissul nañ ko deng wobihim te ci ñom ko fabihim tan ci ñom tous xawna lañ leen di nandale manam mom ngi lañ leen di baw naale manam moy ñom ñoy tax yalla di wacce taw ci yeen wobihim te ci ñom itam seen barke tun faruna lañ leen di xettale bo la nekk ci ay yeen difficulté yoy ci seen barke la yalla di xettale nit ñi tam ci yeen xettu musibe yi ma mata du genn aduna minum ci ñom ahadun ken illa lul abdala mu wéccé allah bur yalla makanahu borom akhar kenen donc wéccé gogou wéccé gogou mo tax ñu al abdal moy les substituts donc ñom non lañ leen di tuddé les substituts donc so 40 personnes yo xamné non lañ gisoon nañ tamit né amna yenn xam yu wax 30 personnes té waxon nañ né loolu mi ték lan mom motax voilà kon hadith bobu akhradi mu né mu ñu wax ci no da bar page bu ne akhra joxo gën nak ak soro nak at tabarani hein fil awsat ci al awsat moy mu'adam al awsat an anas ibn malik radiyallahu ta'ala fi akhirih wa fi akhirih amna ci jeexital bi qala sa'id hein neena sa'id mu ne neena wa samitu degna sa'id ibn musayyib mu ne wa samitu degna qatada manam sa'id bobu sa'id ibn musayyib wala rahmalahu muné samitu degna qatada moy qatada ibn dihaam muné yaqulu neena lasna nashku ñun musu ñoo sikki sakka anna al hasan nak hasan mon ma mo al hasan al basri radiyallahu anhu minhum ci ñom la bokkon deug nga muné ñun musu ñu sikki sakka ci ne hasan al basri ci 40 personnes ñoo la bokkon muné wa hada al hadith muné bi hadith hasanahu manam atté na né hadith bu hasan la bu baax la bu wër la as-suyuti moy imam as-suyuti rahmalahu wa qala waxna al-haythami moy al-hafiz ibn hajar al-haythami wala isnaduhu chalalay hadith bi hasan hasan manam bu baax la muné wa bi lafzi wala amna nak legi hadith bi ñewna ci kaddu salasina né fan wër la kon 30 personnes au lieu de 40 bobu akhrajahu solo nako ibn hibban ha ibn hibban fi tarikhi ci tarikh man abi hurairah dirt abi hurairah radiyallahu ta'ala wa arido solo nok tamit ahmad te mom moy imam ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhi fi musnad ci musnad wal hakim at-tirmidhi moy men hakim at-tirmidhi borom nawadir usul khatim al-awliya et cetera borom tere yu am solo yoy wala mais fi nawadir usul amna tamit benen tere bu bindu bu tuddu nawadir fiqh aussi deug wal khalal moy abubakar do tuddu al-khalal rahmatullahi alayhi fi karamat al-awliya tere bo mu tudde karamat al-awliya an ubadat ibn samit ha sahabi bu mag bob radiyallahu ta'ala anhu wa rijalu goor yi nek ci hadith bobu rijalu sahih goor sahih rek an abdul wahid man abdul wahid kon jeul ci abdul wahid nono ghayr abdul wahid bok wala bamu def abdul wahid kon abdul wahid manam ci chaalale gi hadith bi la nek mom do mo nek ko xamantene wute nañ ci werna wala weru waqat tafa deug deug nak wa saqahu deugereul na ay waxam al-adli imam al-adli rahmatullahi alayhi ak ci waqo abu zura ak mom abu zura ar-razi rahmatullahi kon ni kon hadith bi kon lool la c'est à dire que kon amna 40 personnes yo xamantene ci xol yi ñu seen xol borom subhanahu wa ta'ala du ko teggé xolu mam ibrahim alayhi salatu wa salam kon ñom ñoy abdali et que 30 personnes ci ñom voilà 30 personnes ci seen bir ci manam 30 dañuy wax tamit né 30 personnes bo gisé nak hadith yi wouté ci carte yoy wouté comme niñ ko waxé wa moy le fait que ni 40 personnes yoy ñoy 40 personnes manam en général mom lañuy doon c'est-à-dire que souvent ñom 40 personnes lañ yo xam tane amna benn place ay place yu précise ci diwanu salihana ñom ñoy yor benn groupe bi manam ñaaré le groupe bi ñom ñoko yor moy 40 personnes yoy maintenant sen chef yi ñom sen bir amna ay chef yo xam tane 7 personnes lañ lool mom motax leg leg ngay gis walu yu ñenn ci ñom di wax nan amna abdal yo xamantene nan abdal yi set lañ leen nga gis ñeneen walu yu ne abdal yi 40 lañ en fait loolu wuté wuñ c'est parce que dafa am set ci seen bir ño xamantene ñom ñoy seen chef yi comme nu qabaaw yi tam non lañ mel nu qabaaw yi muñ mëmu dé 300 lañ amna 12 yo xamantene ci seen bir ñom ñoy seen chef yi voilà leung donc mbir mi non la défé légui concept cet ki yoy manam leg leg tam 30 personnes yi ñu wax le fait que mu indi ko mom moy ne c'est parce que leg leg day am jamono yo xamantene 40 personnes yoy duñ fi nek parce que diwar salihana tam non la demé c'est-à-dire que du leg leg day am ño xamantene duñ fu nek legui boba parce que aussi pour ñu tek place kenn il faut que mu mériter ko manam du par défaut hein kenn du élire fofu nit par défaut lool mom motax mu tuk jamono nombre de personnes yi nek ci diwan dañuy wagné ko dañuy commencé wagné ko di wagné ko ba benn jamono day dess benn kessé moy khutbu bi mom rek moy nek ci diwan bi waaw ah oui parce que mënuñu fal nit benn poste bo xamanteni mérité wu ko mënuko mënuko té spirituellement attanuko lool mom motax tamit ñom seen bir buñu gisé ñom tamit non lañu def pour mëna jël ji ñeneen indi leen seen bir dañ maam ñu mëna ñu leen di ñuy proposer ñen ñi waaw moddo ngi né modd mu jambar la ko wala ñu ngi né ci biti mais wala gëriyé la mi ngor gor et cetera amna tel maqama ni ku ko jappal dina yé mais kenn ci ñom gis ko lool mom motax pour nit ki bok ci ñom il faut que kenn ci ñom gis la ñu jël la jappal la sudul lolu dootu man mëno ci bok système de cooptation voilà voilà sudul lolu mëno ci bok il faut nga and ak ko mel non malgré yiñ doon wax yépp né ni lañu mel il faut nga dox di mais sinon sans lolu mënoté bok maintenant nak kenn ci coup ki coup truc bu wala ci ma faté ko kunu ci kenn ñom mën na lu def gis la dal di ñu dal lay fekk ci buntu bi manam fekk da ngay nekk ci buntu bi parce que tamit comme ay échelon la mu dal di ñew dal lay wala dal lay xëc indi la ci bir mais lolu sous condition que nga mëna nga apt pour lolu voilà motax yentibi sallallahu alayhi wasallam mu moy proposer nit ñi fofu moy proposer nit ñi mo non voilà diw de sans ce qui le gis na ko sama daf ma bëgg daf ma sopp mi ngi top sama sunna mi ngi top sama ki et cetera bëgg na nitu yalla yi mi voilà xolam sel na ba paré apt na tamit pour mën def yoon bobu parce que benn affaire amna gis nga leg leg ni gis nitu yalla bo xamna wala kenn ko xamna tane day am serigne bu bax bu mat sa presque sa wala bok serigne bi gën ci jamono mais mom problème bi moy da dul meuna yegg ci te serigne bi pourtant serigne bi mënon nako yekiti xam nga lool xam nga serigne lool day capable lool mën na la japp legui ni legui tay japp sa loxo yekiti la tek na ci maqama yi gëna kaw legui en un clin d'œil lool man nako mais du ko def lutax parce que affaire dafa am yoon la fa am yoon déjà le simple fait que yalla nim bindé doomu adama man ko du man atal lolu rek doy le simple fait que yalla nim bindé doomu adama atanul lolu lolu rek doy moy lan xolal tay fim tollu so bëggé dem nga bëgg dem Paris légui ni Paris ben way japp sa loxo rek xëc nga yegg bu ko defé ni ak sa yaram bi nga yott da ngay désintégrerou da ngay désintégrerou parce que sa yaram amunu ko yaram munu lool lool donc maintenant donc mom bu bëggé nga yegg Paris da lay jaara la rek ci yoon bi lu mu gaaw quand même il faut mu am ben temps ak ba paré mu duggal hein il y a toutes les conditions mu mettre ko en place nga dugg ci ben bulle bo xamantene gëna la permettre nga mëna avancer ci côté bob mu lool propulsion bi ñuy wax ci walu yalla yoonu yalla wi il faut mu am lool c'est à dire que mu propulsion bi lu rek dalay japp yow rek xëc dédé da fay duggal d'abord ci ben bulle bo xamantene comme ni lay mëna nekk ci biir auto di daw auto bi di daw lam nga doga yegg wala TGV bi wala avion bi wala mais bo dugul ci lu mel non do dem lol déjà ben préalable benen préalable mom moy mais parce que nit dafa am nuko yalla bindé tamet mu lol mom motax même xalé yi lol mom motax yalla tégulén ben ki taklif tégulén ben néwulén dé len julli pourtant leele nga gis xalé bo xamné mën na julli mën na dinañ ko mëna jangal bo mëna julli mën lepp mais yalla tégguko mu nek farata ci mom parce que farata dafa am ben doole bu mu andal spirituellement bo xamné xalé atanuko manam yaramu xalé niko yalla bind physiognomie bi moko atanul lool mom motax xalé du xam yenn mbir yi même bu ñu nek ci mom lu am may yalla du ko xam du dévoiler wu ci mom lutax parce que dafa am physiognomie moko permettre mu meun mel non mu meun am lool maintenant il faut que mu cheminer voilà yalla nak meun nako yombalal selon ni mu tabaxé xolou nit ki sa évolution bi gaaw wala mu yex ruuh tam non lañ mel ça dit que ruuh même bu fekente ni ñom ñep ñoo nuro sur le fait que amuñu limite et cetera sur le fait que ci borom bi lañ jugé et cetera ci ñom ñepp le fait que ñom ñepp ci ruuhu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam haqqatu muhammad ye ci leen guenné même bu re ci côté bobu yépp ñom ñoo ci nuro amna fo xamanté nuro wuñ ko fi nuro wul mom moy sen capacité mëna téyé am dadi c'est à dire que flux yi nga xamanté ñom ñoy débordé ñom ñoy wala abondance lolu le fait que mënuñu ko téyé ak fuyu dadi manam moy afflux influx yoyu le fait que mënuñu ñom ñepp bokku ñu ñu koy contenir rek lolou fofu tamit lañ ciy wouti donc ce qui fait que lolou day jouer tam ci sen puissance spirituelle daf ci jouer voilà daf ci jouer donc maintenant benen mbir bi nga xamantene parfois tam moy tax serigne bi du la man rek ñew rek japp yekiti la moy serigne bi mom da nekul mom kess lu mu for for for lu mu gëna kawé kawé kawé di walu salaxene mi ngi ni cheikh mi tidiane rabi yalla an mo nek ci buntu bi mom moy moy moy recruter gaay mo ndi recruter te du tidiane rek ka fay dug parce que serigne bi dafa nek ci ben hadara mom tamit c'est à dire que affaire yi tamit dafa to am règle yu muy top dafa am règle yu muy top voilà donc mom xamna ni ah sama talibi diou de tabarakallah beugul na mu dal yeek legi yeksi mais nak khadara bi il faut que mu décider khadara ni ah gay non boy bi pare bu ko munu bu ñew duñ ko indi ñu ne ah kon nak boy pour le moment nañ ko fi baye bu mu pare parce que aussi affaire bi non lay déme parce que tamit khadara bi dafa am ay teggini yu mak yu mu laaj aussi tekku kuy wut yalla ku nek lool mom moy premier bi lool mom motax mbir mi du am accès ci maqama bi mais mbir mi mom moy d'abord teggini parce que kep ko xam da nga am teggini da nga ñak teggini avant ngay am manam da nga am mbir yi te amulo teggini mu wara andal manam en fait lool daf lay gëna gañ da lay gëna gañ lool mom motax teggini am solo lool motax teggini am solo ci wax ci jëf ci doxalin ci comportement ci lepp ci beut bi ngay xolé minde fi ci ni ngay doxale ñom ci yépp loolu dafa am teggino xamantene loolu la laaj surtout ci nitu yalla et que donc yoy yépp ay mbir la yo xamantene yu mata baye xala donc yenenti alayhi salatu wassalam amna ci ñoom ño xamantene kon borom subhanahu wa ta'ala dafa modelé xolu yenn ci arif billah yi nga xamne ñoom ño nek suñu aduna bi ci xet sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ci xolu ñoon deng muna fal mukhatab ni nga xamantene ñoom lañu jokkalantel hum ñoom ño ulama ul umma ñoom borom xam xam xet bi kon borom xam xam xet sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam da yenn ci bi di wax fo walam yaqul te waxul ne warasat nabiyin wahid warasat ndonay nabiyin ab yenen wahid ngay kenn waxul ne borom xam xam bu ne day donu yenen waxul lool ab yenen walakin waya qala mum dafa wax mum yenen bi sallallahu alayhi wasallam warasat ndonay al anbiya yenen dinga wala mo don yenenti ya alayhi salatu wassalam wala kon kenn ku ci nek non la yalla de non ci ñom non la yalla de non la yalla defal lool mom motax yenn maqama yu kawé yi tamit en fait en toute vérité du effort nit mo ci yobbu nit manam lu yalla di may nit ki le d'abord avant parfois même avant muy jogu wala mais nak parfois aussi fi lay nek yalla tagat ko jappale ko dimbali ko djel ko ci yenn ki yekati ko parce que tamit yalla amna katan ci def lu ne yalla mom man la lu ne yalla mom buñu xese ba yex ci domaine yalla fofu logique amatu fa ndax lu ne la man yalla obligé wul muk ci di top li nit ñi di baxu di gis lool mom motax même xam nga diwan salih ene ni mu deme lool moy règle générale hein moy ku guen aduna day am kenen ko la remplacer hmm da am kenen ko la remplacer donc khutbu bi su guenne aduna ci yenen khutbu yi lañuy jël kenn mu remplacer moy xaw ko voilà ci djuroom ñaar yoy lañuy jël kenn après ñu jall ci benen groupe bi moy hein groupe bobu après ñu jël bu ko guenne après jall ci benen groupe bi etc manam kon fu kenn genn aduna ci 3 lañ ko remplacer 3 genn aduna ci 5 5 buñu genn bu kenn genn aduna ci 7 lañ ko remplacer 7 bu kenn genn aduna ci 40 bu kenn genn aduna ci 300 mais lolu moy règle générale sinon wali yi nga xamantene ñom ñoy nek autour di war c'est à dire que ñom ci buntu bi lañuy nek parce que mais dañu bok ci hadara bi dañu bok ci hadara bi mais yeguguñ ci diwan am parce que diwan bi c'est l'élite c'est la crème fofu chaaxal dugul fa nit voilà comme buñ voilà c'est à dire que politiciens yi bari ne mais gouvernement bi dafa restreint gouvernement mom voilà si ce n'est pas que kep ku bok ci politique bi rek bok ci formation wala ci nan lañ ko waxe majorité bi wa bok ci majorité bi rek keñu da ngay nek ministre du lol conseil constitutionnel voilà président exactement dafa sélectif voilà dafa sélectif donc fofu non la dem c'est à dire que amna ñoo xamantene yegg nañ ga ci niveau même ñoo sax déjà pour nga yegg fofu gis nga niveau bobu niveau bi ñi sélection man mi nga xamantene ñom ñoo nek autour ñoñu non pour nga yegg fofu non groupe bobu bo groupe bobu nak ñu gëna bari tout wa diwan mais problème bi moy bu diwan bu amé kenn ku ñuy remplacer mais ben nit dong lañu jël ci bir groupe bobu ce qui veut dire que ni groupe bobu nit mëna fa nek ba dé té du mësa dugg ci diwan parce que c'est intéressant parce que lañu tam nit génn aduna bokon ci diwan bi génn aduna continuer di fa nek kok xam nga kenn ko remplacer voilà légui bo topé lol nak affaire bi c'est plus compliqué que voilà dafa donc les chances bien question képp ko xamné da nga doon dem diwa wa après nga guen aduna mën nga fa peut-être baña nekkat mais est-ce que yow mën sa yu la nexé nga ñew diwa wala est-ce que dafa am aussi ay régulier régime mo nga ñew da ngay lacc ci autorisation dedet dafa am non dafa am ay règle du képp kenn ko xamantene dafa bokkon diwa rek que ni day def day meuna ñew day meuna ñew di delu ci diwan ba du marché la du marché hein d'ailleurs xam nga d'ailleurs bo xolé légui nit ñi ni rek de manière générale ñi xamné diwanu salihé na existé na manam existence bi rek ñoon déjà dañu bari wu ñoon déjà ñu ñu wagn ci ay baram lañ en fait. Faut pas croire que ni diwanu salihé na da ngay def forum rek gaay di waxtane diwan bi. Le simple fait que nga xamné existé na ñooñu ay nit lañ yu existé di dund do nit ñi lool rek déjà dafa raat ci biir ñooñu ñi xamné mbir mi ni lay doxé lool mu gëna raar encore waaw après ci seen biir ñi nga xamantene ñoom dañ dem ba mëna xamné waaw légui nak manam pour intégrer ko manam mën ca dugg parce que xam nga gis nga le simple fait que di ci wax rek lol le simple fait que yalla may la nga war ke meuna waxtan ak di ci meuna am ben aperçu simple fait bob ni xewul bu reuy parce que xolal aduna bi lan la nit ñi di waxtane non mais c'est vrai xol rek gennal ci mbedd mi wala nga tal tele bi nga xol lan la nit ñi di waxtane hein voilà boko naté fofu di nga comprendre voilà donc benen gis la moy bo fa nekké fofu xam nga fofu amul ay duguna légué bon ay wax sa xalat amu fo hein non dafa am ay règles strictes yo xamantene kepp ku ko respecté wul du bax ci yow d'ailleurs boy ñëk dugg sax boy ñëk ñëw boy yex rek da na saway taxaw da taxaw ñu na la fi diwan gis nga ko mi ngi mi diwan ba bari en fait ñu la war réalité diwan bi yépp le parce que kuy dogu ñëw ni te fekk amul niveau khutbu yi par exemple mom du xam khutbu yi ñan lañ du xam tamit abdali non do la xam mom ci groupe bu ñëk bi lay bok 300 mom mo gëna bëri d'ailleurs ñoñu lay bok fofu lay neex hmm do su nekk ci zahi xamul ñal da mais pour autant kiray bobu day nekk ci kanam wa day nekk ci kanam kiray bobu day nekk ci sen kanam légui après fu tax le buñu ñëw parce que en fait ay cercle la mo tax té cercle bu né dafa am benen cercle bu nekk ci kaw voilà lool légui cercle bobu nak ñom cercle bi ñëk bi lañu gis après nak dañ koy jangal dañ koy dëkk jangal nako say fi nga nek dañ koy ubbil ki ay xéetu ki la comme coffre ay coffre fort ñu koy indul ne ko yi amna ay secret yu maga mak yu nek fi bi secret bi ni la tuddu bi di yi li la wala wax ñu ko wala yegi nak legi nak gis nga secret yi wala ñu amo droit ngan ko gëdë wax ñu sokoy waxtane itam sokoy wax am nga droit transmettre ko xamantene xam nga ni manam parce que gis nga ni ki fi lay ñew après mais ni nga koy jangalé bo bëggé secret bi nekk ci mom ni nga koy transmettre secret bi ni lañ koy transmettre ñu jangal la lool ba nga xam nan lañ koy def ñu jangal la benen affaire moy gravité bi nekk ci nga diko wax keneen ku bokku te genre nit yoy lool manam bo pare nak ñu jox la ay exemple gis nga diw xam nga diw wala wa ne fi la nekkon mais secret sangam bam ko jangalé nangam moko ci fekk ay xéetu alkade ñu yéme désolé je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit voilà bo pare dañ koy dégrader dañ koy dégrader parce que ñu bari dañ fokk né gaay ko xëss bu dugg fofu rek muccu nga jeexna affaire de lu non de waaw wi mën na la waccé loolu mo motax ñom ñi bu xuddu bi de wax ñom ñep dañuy nopi duñ wax dara duñu sax ngaan du yëngatu dongu duñ ko def parce que dañuy bañ perte sen dañuy bañ seen yëngatu gogo wala seen wax joju and ak ñak teggine bo xamantene day waral ñu wadal leen legi est-ce que gënul sé nga baye bokku mais non li gëna simple té gën lepp mo nekk jamm wala nangu nekk jamu yalla kessé lool mo gëna simple té mo gën lepp wala mo gëna simple té mo gën lepp donc en fait ñoo buñu féré mo ci dafa may rég biñu gënë ak lool wala xut bi mo koy décider dédé selon niveau nit ki tamé parfois ak exception yi mu amé parce que du ay exception yoy ay exception la ñi nga xamné dañuy genn aduna di mën di continuer di fa nek yoy ay exception la mais du ñepp ñoo mën lool voilà parce que sinon su doon lool la kon bo kon ay milliers et des milliers lañuy doon voilà donc voilà légi leg nak am kenn ko xamantene par exemple ci groupe bobu xam parce que waxna la amna ben groupe bo xamne groupe de pré-sélection la pour ñu mën fa dugg ci mais groupe bobu du ñepp ño fay manam amna ño xamantene tay dañuy joggé ci 300 groupe 300 yi rek daal yeek nek khutbu lool mën na def mais lool rare dafa rare léne sax ñu jël kenn ci biir groupe de pré-sélection bi moy ñu nek ci buntu bi non kenn ci ñom rek ñu japp la rek jek rek ëjë groupe bi gi jugé fi xawsu bi genn aduna rek ñu jël la yow yobbu nga nek xawsu directement waxam mëna né ngeenelu yalla la rek ngeenelu yalla la rek amna ñeneen tamit ño xamantene li gëna yéme moy lool moy duñu jaar sax ci état bu pré-sélection bi ci am gi lañu joggé manam Allah ci komo bi jek rek yalla defal leen gëneer bobu yékiti leen jël leen fi parachute leen ñu wacc ci bir diwan wala ñu nek ñu bok ci aqtab wala ñu bok sax ci afrad yi wala sax ñu nek ci afrad yi wala juste parce que dañ sincère ci seen digënté ak seen borom yalla dal ñom dañu deugul dañu incarner le fait que ñu nek ay jamm amna ño xamne duñ jaar sax ci diwan bi dañuy dem directement bok ci gaay kawé ma fatiku kunuz yoy non ahlul itlaq yoy directement amu duñ jaar sax ci diwan bi ñuy ñew rek auto mais ñoonu bokku ñu gaay ci diwan bi bokku ñu ci instance de décision yi mais ñom lu fa xew dañ koy xam te lu leen neexul du fa am ha moy ñi nek ci palais bi ñi nek palais lu non lo lu wax bu leen neexul gouvernement bu ko adopté ñom ci palais bi lañ leen parachute directement peuple bi sax xamuñu leen sont inconnus du peuple ñom ñoy jël décision yu mag yi buñu déggé nan diw mom moy loxol président manam mo koy bindal wala diw politique économique bi wala politique sociale bi wala politique nangam yépp mo koy dawal wa parce que mom moy dicté président lool moy nopam wala yu mel non lool la ñoñu amna ñu mel non mais ci affaire ci ki wutam non la amna ñu mel non ñoñ ñom ñoy wa ahlul itlaq mu fatihu kunuzul xamna moy ahlul maqam la maqam do lañ leen wax non tam ñom moy amuñu maqama en fait ñom dal yalla lañ am ñom amuñu leneen yalla dal lañ am dal yalla la xam mom rek lay jamm xolu fi leneen wutul leneen sakku leneen dara intéressé wu ko lu yalla voilà té amuñu ben responsabilité amuñu ben responsabilité bu teggu sen kaw kenn dou len laj ben compte lu taxone li xew dedet te dañuy donu aya bobu aza afauna fawn famun aw amsi bi ghayr hisab suñu may ga ngi ni joxel wala nga teye lu la neex mais kenn dou la regle amul ay ñu xolat rek dedet manam caisse noir dal lañu wax ñu la neex lañuy dépenser ci li yalla mom lu len neex lañu neex lañ ko utiliser mais ñooñu buñu yeggé fofu tamit dañu am téggël bu jéggi day par rapport ak seen borom parce que ñoom yalla rek mo len mom lañ bëgg tamit voilà ñooñu ñoom ñoy benen groupe bi moy ñoom mom lay jundju fi bimu nan amma rasulullah ndal ndawal yalla li sallalahu alayhi wasallam fala yuftaru manam tabaxuñu moñuñu qalba ahadin xolu kenn ala qalbihi ci xol manam amul ben modelu jëluñu modelu xolu kenn def ko ci model parce que qutbu bi nga xamne moy al ariful akbar moy arif bi gëna mak mom xolu arif bi gëna mak la don la ci lañ tabaxé xolam moy sayyidina israfil alayhi salam ci xolam lañ tabaxé xol voilà et puis da fay don benen tour qutbu bi amna benen tour bu muy don wo xamne tour bobu daf koy sol manto lay don ci mom yeureum ben tour lu bo xam touru sayyidna aljuna karamallahu wajhu ku bokul ci ñom do ko xam ku bokul ku narta nek khutbu sax kene du lako jangal do ko xam voilà mais kon gis nga mais batay waxul ne dañu moñe xolam xolu yenté sallallahu alayhi wasallam nga ni lutax mune li annahu ndax lolu maqamun maqama la bo xamne azizul manal lu jafé nga jot la man dafa rar c'est d'une rareté extrême do fuk voilà parce que leg leg ñu nekk jamono yo xamantene genre nit ñoo duñ am wala dañuy rari fiw lutax parce que en fait parce que ñooñu genre nit yoy yeen tibi sallallahu alayhi wasallam ñoom ay mbub lañ albisatu nabi sallallahu alayhi wasallam ay yiri yeen tibi lañ c'est-à-dire que yeen tibi sallallahu alayhi wasallam moy seen bir ni moy seen bit moy seen bir seen baté mais ñoom ñoy ci bit ñoom ñoy nek ci bit lolu tax lolu nak moy réalité wu ku mel Seydina Limam motax ñu nan libas libas moy yere libasul nabi yere yenente bi la sallallahu alayhi wasallam lolu moy réalité en fait lolu mom motax ñu bari mot lolu mom motax nak c'est à dire que explique manam comprendre réalité mom motax mu am ñaari groupe principal ci ay biram parce que comprendre réalité dafa xaw jafé dafa compliqué moy parce que ñoo comme yentibi sallallahu alayhi wasallam ñom ay yere yentibi lañ sallallahu alayhi wasallam donc ñom ay wali yu lañ ay muhammad yu na lañ c'est à dire que yentibi sallallahu alayhi wasallam lañ doon et puis kenen teunku leen ci dara ce qui fait que c'est à dire que moy itlaq gi ñu nekké ce qui fait que buñu nekul ak ay nit ñu mëna comprendre réalité bobu souvent dérapage day am ci ni ñu comprendre seen mbir souvent dérapage am motax ñu bari motax ngay gis ñen ñi japp na mom moy yenente bi ci bopam wala ñen ki mais lool erreur la parce que yenen do amatu ci na indi sallallahu alayhi wasallam té nekul lolu yakarna ñaar nit ñu am xel bu wérante ci lool bu jëm mi yeralti yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam bi nga xamne mom mo ran and ak ñom sayyidna abubakar ak ñom radiyallahu anhu ki nekkon mak après ñew medina et cetera xam nañ ni du même nit ki mais que ñooñu sen réel sen ruh la yeralti sallalahu alayhi wasallam remplacer par ruham mom voilà donc lool réalité la bo xamné fait que ça dit que ñu ko comprendre manam fi comprendre roko deug ni da ngay am problème soit da ngay bok ci ben extrémité bi moy ñi nga xamantene dañ ko gëm bëgguko mais après ñu jappé ko comme ab yenen te lool kufru en fait ak kafir la voilà nga bok ci ñi nga xamantene yow comprendre ro ki ni la mel sauf que dafa am comme ñi mu doon dundal amna réalité yuñ comprendre wala bok après benen génération pa ñu doon dundal directement peut-être mais juste après parce que xam nga comme fu dekk bu melni kémer ku ne mën na fa wax lu ne développer fa xéetu idéologie bu ne té du am ben kenn kuy taxaw nan saay gaay soyez raisonnable kenn du ko wax ñu parce que dañuy bañ ñu escanter voilà donc vu réalité bobu motax ñenn ñi duñ mëna manam ñu am mal compréhension ci deug mom moy tan ak nafa la mel mais mu am ñeneen ño xamantene ñak xam lool te jëmu ño xam jëm minute ki parce que lool dafa am solo moy tay man bo ñëwé né ma diw ni la mel wala nga wax ma dara ci nit man waruma doylo wax joju kessé dama wara xam ko manam dem mom ci jëmmi bopum ci source bi ma xamé ci mom parce que lool erreur la bu ñu bari di def day gis ñu bari dañuy critiquer même tay ma jël exemple bu gëna banal manam ci suñu milieu ñun moy suñu tollu wahhabiti bari na ci ñun no xamantene lu ne lañuy wax ne wahhabiti ni lañuy xalaati wahhabiti li lañuy wax mais en réalité xamuñu leen ah ñuy wax lu ci bari du dëgg ndax xamuñu leen tout simplement wala dañu dégg rek gaay na wahhabiti ni lañuy xalaati ni lañuy def ni lañuy wax ñu daal di japp lool bo bëggee xam ñoom nan lañuy xalaati ak nan lañuy wax da ngay dem ci sen tire yi wala nga xol sen kilifa yu magi lan lañuy wax exactement et dans une durée parce que muno jël ben wax kessé nga ségg ko ci ay milliers d'heures yo xamné wax nañ ko xam nga lolu normal xam nga tay munuma ñew tay né modou mom li la wax man modou man amna possibilité xam am ay milliers d'heures ci ay discoursam ma jël ben discours kessé tan ci ben minute kessé né li moy idéologie wu mom lolu mandoul li mandou moy attention li mandou moy mu meuna wax né modou kat hein li dégg na ko mu wax li pendant des milliers d'heures ma meuna xamné wala pendant 100 heures wala 50 au moins mo meuna xam a peu près nan fan la way classé wala bok man mani lire na ay téré yi modou téré yi li la ci soutenir lolou mom moy li mandou parce que nit mënoko atté parce que ben nonam mo la wax ci mom lolou man tane il faut nga déglou ko mom ba paré mu wax mëno voilà suma bëggé juger n'importe quel groupe mënuma dem ci ay ennemis yu bind ay livre ci mom wala wax ci seen ci ñom rek ma atté wo ci ñom mën ta nek il faut ma xam mom ci bopul wax lool nak voilà c'est à dire que ce qui fait que ñu bëri tamit réalité yoy li ñu mëna xam ci yeen nitu yalla yi la nga gis ben way bo xamantene da ngay gis surtout ñom ci wolof yi dafa bëri ci ñun dañuy japp ben waliyu bo xamné mais waliyu bu mag la exceptionnel mi nga dégg ñu dindi di netti ci mom ay wax yu ñaawa ñaaw yo xamné mais yalla xamna ni tay fi mu tollu man di kat bi ngay romb ci mbéd mi buñ la waxon né mom loolu la doon def do gëm nga bëgg ko gëm yow ci nit ku mel non yoy yep ay xéti manam xéttu ñaaw ñort la ak ñaaka samonté téggenu doxal ni ci walu go donc ñu war nañu xol loolu tamit wala ku mel ni sayyidna limam par exemple radiyallahu anhu lool mom moy mbir fim tollu amna ño xamne buñu déggé mu wax ko dañu radiyallahu anhu dañu japp né scandale la parce que dama warona wax sallallahu alayhi wasallam amna ño xamantene buñu déggé mu wax ko dañu japp né scandale la parce que tout simplement dañu japp né ko dañ ko jappé mu bokut ak deug deug limu doon manam japp wuñ ko comme étant nit ku bax alors que lool yépp ay erreur la nit soko bëggé xam da nga koy xam mom à travers mom ci jëmi bopam ay waxam ay discoursam façon doxalinam lan lay nan la doon wala à travers lool et que maintenant nga xol limu wax manam ak yimu wax ci bopam lan mom moy waral mu wax ko maintenant nak ça suppose que nga ma comprendre yeen réalité yu yenn awliya yu di wax di am ak yu ñuy dund parce que so comprendre aussi ça ne sert à rien nga xam luñ wax parce que do ko xam d'ailleurs mën nga fa jugé sax jappelen ay non mën nga fa jugé jappelen ay non wala nga tombé ci fanatisme bo xamantene fanatisme le bu démesuré tout simplement voilà donc ñoñu groupe bu restreint nak ño xamantene kenn ku ci nek ci ñoom amna xéeti may yalla yo xamantene ñaar yu nit ci walu yi luñu reey amuñu ko yow rek ya ko am yow kesse ya am may bob té may bob fuñ ko waxé ku ko dégg day fokk ni ki mo raw ci aduna bi walu yu mën ta melni ki mais lool moy ñak xam leen la mais ku leen xam dina xam né loolu dakonté wul ak keneen raw ko wala dakonté wul ak mu tolo keneen parce que ñoñu ay façon yu nit lañ ño xamantene dañu spécial té buñuy wax seen may ak benen affaire tamit amna moy leg leg ñuy wax lo xamantene manam jëmmi maqama bi ñu nekké manam en fait ñom fiñu nekk du maqama comme niñ ko waxé en fait du maqama ce qui fait que manam fiñuy waxé day waral day tax yenen nitu yalla yi manam ñom buñu taxawé di wax day gis day melni comme si ki mom en fait bi yalla bindé aduna ba liji en fait ndegete mo fi tek tank ndegete wali fi doon jaar yeb ndegete tekki wuñu won danaka dara ci kanam mais c'est que maqama bobu la ça dire que en fait comme niñ ko waxé du maqama mais dañ koy tuddé maqama dans un sens figuré manam fofu la parce que fofu dafa absolu et ko kenn ku ci nek nak yalla amna ay taglal yum la fa defal lutax ndax sol ndax en fait ndax sol bi nga sol nek yire yenenti bi sallallahu alayhi wasallam lool moko waral voilà lool nak bo comprendre doto fi nek di xeto di waraw di wo def li di wo dedd dañ comprendre nek kenn ku ci nek yalla len dal mo leer mo len mom leer moy cheikh mou tidiane radhiyallahu anhu mo raw gaay ci dess lolu mom leer na benen bir bi leer moy ginnaw cheikh ci tariqa bi ñu ne sidi al kharazim radiyallahu anhu mo raw ñep lool mom moy benen bir mo xam dal mom ñaari nit ñu xam tariqa duñ ci wérant leneen luddul li kenn ku ci nekk mën na japp ne ki kat japp na ne mo raw ñeneen té lool bu ko waxé kenn du ko ci ngagne parce que tous c'est koku mën na nekk ko xamné effectivement mo raw ñeneen ni mais ci benn buntu parce que ñoom ñëf dañoo nekk ñi nga xamantene dañoo taxaw ci maqama bo dañoo taxaw ci maqama bo té lool ay réalité la yo xamné ñu bari bari mënu ñu ko xam en fait mënu ñu ko comprendre cette imagination mënu ci yegg parce que pour ñoom buñu déggé xam nga amna ben jour nga may laaj ndax dafa am kenn ko xamantene ci khulafa yi mësse exercer mom moy khalifa bi manam bi ndaké khalifa yi ci dess mom ñu jëw amuko laaj parce que tout simplement affaire dala jaxolo mais non mais c'est vrai parce que parfois affaire non lay def en fait sidi al kharazim radiyallahu anhu mom mo raw ñu ci dess parce que lool cheikh ci bopum radiyallahu anhu moko wax te yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko wax lol mom kokku motax munu ñu ci wérante ñaar munu ci wérante mom lañ wax al khalifatu muazzam dayet buñ né al khalifa kessi ci tariqa bi mom lañ ci dugg al khalifa kessi buñ ko waxé mom lañ ci dugg maintenant benen réalité bi moy xolo bouteille bi suma ko tege ni ay lumière yu beuri li ci tal de part et d'autre day am ay kerkeral yu bari wala day am ay kerkeral yu bari bu fekente ne yow bouteille bi ker manam fi ci ker gi nga ne mom ngay xolé bouteille bi réalité bouteille bi da ngay japp ne ker gi rek la am et que ker bouteille bi da fay reproduire forme bouteille bi selon l'air gi ci tombé deug lo d'accord nak ci lool wala bu la nexé ñu jël exemple sétu aussi buñu taxawé ni am ay sétu yu ko wër ni day gi sétu bu nek day refléter bouteille bi on est d'accord et que à un moment donné nit ki mën na fogné mën na nek ci di xol ben sétu kessé comme bi bouteille bi rek reflet manam mom fi lay sétu bobu lay xol day japp né en fait bouteille bi hein image am ki rek le reflet ki la ki rek ko refléter de manière parfaite mom lolou lay japp en toute vérité bouteille bi dafa am ay reflet yu bari Seyd Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu non la la dafa am ño xamantene ñom ñoo tejj mbolam ñuy khalifa yi ñom la ñoo tejj mbolam ñaari khatmu yi ñom ñoy secret Seyd Ahmed Tidiane ñom ñoy ay takandéram ñom ñoy ndap yi nga xamantene leer Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu ak secretam ci ñom lay balé kenn ku ci nekk ci ñom mën na taxaw taxaway bobu mais en même temps parce que lan parce que ñom ñoy cheikh di ñom comme bouteille bi ñom ñoy cheikh xam nga bouteille bi gis nga takka ki bi image bi cheikh di ñom sauf que duñu cheikh ndax cheikh kenn la voilà bobu réalité lu ñu bari mënul comprendre en fait da ngay gis ay wali yu maga lool mo lu ci gëna yëm moy ñu xamné mais vraiment boromi fatkhul akbar lañ boromi maqama yu kawé yegg ci niveau yu kawé mais mënu ñu comprendre réalité bokku non ñom japp nañ ni ki dal nga xamné à travers mom lañu gisé li bouteille bi sétu bi ñoo fi ñoo ki moy mo représenter li ci cheikh fo mais lolu kenn du ko ngagne lol parce que la motax parce que liñu wax lolou deug la réalité la aussi kenn duko ngagne kenn duko xass kenn mais en tant que kuy am recul tek ak ko xam réalité Cheikh Ahmed Tidiane bobu radiyallahu anhu il faut nga am ben recul par rapport ak lolu nga am ben recul par rapport ak lolu te deug groupe bobu nga xamantene dañ leen di moñé ci yenente bi sallalahu alayhi wasallam pour ñu yegg fofu il faut que ñu dem ba nga xamantene dootu ñu amati ben source direct loolu yenente bi cheikh yenente bi sallalahu alayhi wasallam cheikh mu tijane radi Allah moy seen source direct jeex na motax bo gisee awliya o tariqa yu ñu mag ñe mag ñu leen di tudd te seen xam xam seen wilaya seen maqama jommal mbole bindi fi bo leen xole ñom ñepp non lañ meloon amul kenn ci ñom kuy référé wu ci keneen directement ku dul ci cheikh mu tijane radiyallahu anhu ñoom ñep dañ bo leen gisee man ñu ci dess na dinañ leen wormal dinañ leen magal dinañ leen ki mais cheikh mettidiane radiyallahu anhu ñoom lañuy jël mom moy ku kawé té cheikh moy yaangi bi sallallahu alayhi wasallam ndax moy batilo kenn ci ñoom ku ne ko japp ci ñooñu japp nga ci cheikh ci jëmmi bopam ndax ñoom ñoy takaleru cheikh ñoom ñoy image cheikh ñuy reflet ñoom ñoy cheikh cheikh di ñoom sauf que duñu cheikh ndax cheikh kenn la voilà lolou ben lolou réalité la bu jara comprendre bu jara xam bu jara maîtriser ba paré jara tey aussi pour parce que soko deful rek man day gis nit ko xamantene day magal serignum ni nga diko xeb xam nga fim tol bo xolé ñun fim tol li tax gaay yu bari xëccu ñak comprendre réalité bobu ñu bari ci ñun fim tol da ngay gis le simple que manam non amna non wala fi kay amna lu gëna graw yu ñu def sax manam wala fi lélé dañuy japp né comme diw mo fi raw képp ku nekkul talibé diw c'est que sëriñ ci dess ay nafiq lañ mo tax parce que buñ dul won ay nafiq ñoom ñëpp da ñëw djébul ci diw parce que mo fi raw en fait non lañu xalaat lolu ben xépp mal compréhension réalité yénent bi sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak nimu yaako muno ko yamale ci ne rek ben nit kesse mo doon lepp yenenbi sallallahu alayhi wasallam segam yenenti waxuma yenenti alayhi wasallam kenn ku ci nek dafa am rek lumu la nandal ci djijum lan ngay xalat ci ñu nga xamne du ñay yenen donc lolu yoyu ki la deng kon mune maqamu bi nga xamantene ñoom nga xamantene ñooñu nga xamantene yalla daf leena moñe ci xolu yent bi sallalahu alayhi wasallam manam ci jëm modéliser leen ci yent bi mune ñooñu ñu xam nu compliquer ñu jaxé rek ñooñu jaxé rek parce que même ci biir afraad yi ñoom duñu ñoom afraad yi ci biir afraad yi ñu manam ñu rar lañ ci seen biir déjà ñom lepp lañuy gis lepp lañuy yek lepp lañuy deg depuis la pré-éternité ba l'éternité lepp lañuy xam lepp lañ jakarlo lepp lañuy deg té amul dara lu leen di perturber par rapport ak leen différence yi gëna touti ci atomi dañ koy am xam nga lutax parce que par yalla lañuy xamé yalla mom ci seen jëm bok moy seen xam mom mom lañuy déggé yénebi sallalahu alayhi wasallam ci seen bok mom moy seen roh ñom ay bubum lañ ay apparence am kessé lañ mune ñooñu nak liza li motax faqat deug deug xala waxna abu yazid al bistami radiyallahu anhu wali bu mag bo ku graw lo won tamit wala tayfur la tudon tayfur ibn aysa wala dafa ku graw lo won radiyallahu gërum allah ya anhu ci mu wardaatu mu gërum loko muy wax mukhbiran bi khabare an hada al maqam ci bobu le maqam mune law ataka bu lay joxon manam moy yalla bu la joxon khullata ibrahima kharito ak mam ibrahima bi alayhi assalam manam l'amitié intime bi nga xamantene mom la joxone mam ibrahima alayhi assalam wa mukalamatu musa ak jokolante kaddu bimu don defo yent yalla musa alayhi assalam yalla xamene may la lol bolen la ko ci nela yow de defna la lama defalon mam ibrahima alayhi assalam kharito ak a part le fait que mu ne yenent kon comme niñ ko gisse yalla may na la lepp limal defal mam ibrahima alayhi assalam joxna la ba bari ne la mbolam li nga xamantene mayon na ko yent yalla musa alayhi assalam a part le fait que mu nekkone yenen lepp tamit mayna la ko ba ci jokolante bi may jokolante ak yow kaddu tout temps may waxtane ak yow mune wa mune wa ruhaniyat ak ruhaniyat le fait que moy le caractère spirituel bu kawé bobu nga xamantene mom la bu Isa bu yent yalla Isa alayhi salatu wassalam xam nga ma yent yalla Isa alayhi salam en fait mom dafa am benn parti bo xamantene mom en fait dafa ki motax lool mom motax mom mu nek yenen sans mu am 40 ans parce que mom du nitu kessé en fait mom nit la mais dafa am côté malaka côté rohaniya gogou manam même yow yalla soppi def mu am mitose ci sa yaram yalla soppi sa yaram soppi say ki ba modéliser le comme nim def yent yalla Isa alayhi salam bolé la ci lom la mayon ngani waw mune la fatlu sakul minhu ci yalla al mazid ak dol ñaanal yalla mu doli la bula may yeb nek wa yalla doli ma muna la lutax muna fa inna ndax li wer bor moy indahu nek na fa mom yalla wara azadika lo xamanteni mi ngi ci ginnaw lolou lepp yalla yu du jexal yalla rek tay may han non gis ngeen xam nga man li tax sama affaire bax moy dama xamne yalla rek tay may non lolou la xam kum fi ciow di lu mu reey deug la mën na ma gëna jambaré mën na ma mé dal comme yalla rek kay maye dal man dal xaar mais yalla rek kay maye di té mën na ma may té duko wañi dara mais lu tax ba duma wax yalla mu may ma lan motax ma japp né yalla man waruma mana may limu mayon ñom samba alors que ñom samba defaruñ dara yalla bu mu may né lim leen may defuñ ko dara amul kenn fi defal yalla dara yalla rek mo la may parce que dafa bax may na la jeex na mo la tan may la mais lan mo tax man ma japp ne non man mom yalla manuma man lolu dafa graw yalla manuma may manam c'est comme si da ngay limiter yalla ci ay pouvoir son pouvoir décisionnaire ak son pouvoir capacité bi force bi puissance bi dang ko limiter en fait mais yalla mën nako may ma doli ma et en plus xam nga lutax lolu graw aussi moy li nga amagul yow li nga amagul xamoko manam xamoko gis nga ko yalla may yi yeb am na lu nek ci ginnaw mi xamoko mais li nek ci ginnaw lolu muy wax nak moy liñ dox parce que fofu nak fala ray bu tire moy dem ba nga xamantene yalla la lay jël bolé la ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam nga nek mom mu nek yow lolou no fa laray bu tene ah lolou mom fa laray bu tene ko han wala lolou lay wax nak mu nek bu la yalla parce que ñi ñep liñu am duñu dara luddul ay yenn parti ci may ci geedu yenenbi sallalahu alayhi wasallam lañ am yenen ci yep nak bo len bolé ka annahu shamsu fadlin hum kawakibha yuzhirna anwarha linnas fi zulam lama bu sey wax radiyallahu ak inna waxnako ci ben ci hamziya bi tam inna ma mathalu sifatuka linnas kama mathala nujumal ma'u xam nga luñu yent bi mel sallallahu alayhi wasallam sahab gis nga ndox bu tawé nga gis bi diw yi di tapé ci ndox mi nga xol bo xolé déjà bidiw yi xam nga ndox mi comme stable day am ay ondulation donc digay gis né bidiw yi sen caractéristique dina am dara lu ci soppé ko mais dafa refléter bidiw yi ci kaw yu réel d'accord na ci lool maintenant ñom yaronti yalla mu sallam non lañ mel c'est à dire que bidiw bu né ak ni mu mel vrai bidiw bi moy bi ci kaw moy mel ni mbir manam réalité wu yenen te bobu vrai bi moy réalité yenen te bi sallalahu alayhi wasallam mais bi reflet réalité bobu la ci yenen te kesse lolu kesse la yenen te bo len ci deg mu yem len ak lu len meuna yem walu bo len deg mu yem len ak lu len meuna yem ci bobu xam len ni du dara ludul ben reflet kesse ci lenn parti une parti infime de la réalité du prophète sallalahu alayhi wa sallam ci réalité bobu mom incarné non yent moy lepp salalahu alayhi wasallam mom moy lepp mom il est tout wa xawma na lañ ko waxe wala de mais lol moy lepp da voilà donc lepp lu way am ba muy bu muy yem la ñaanal yalla mu dole la bu la joxor lool lutax parce que amna lu ko fété ko mais bo xasse ba dugg nak ci geej gog ba na yenen ci bi nak mom ah ah la mom par contre voilà la la ouais la té lool tamit ñepp to lo wuñ ci parce que duñu wuté ci né geej gi li ndox mi ngay gis ci tefes gi boku tak li nek ci profondeur voilà mais déjà nga nek top ndox ci bir geej gogou bo buñu tuddé geej gi kenn dula mëna takalé mom lolu voilà lolu déjà c'est ça l'affaire voilà bo buñu wax geej gi rek lañuy wax donc lolu il faut incarner hein faut essayer d'incarner cette réalité. Voilà.